ma vie à jamais. Ici on ouvre ce qui était sur ce baiser salé. Un violoncelle seul, des boussoles sonne faux. Là dans la pièce abandonnée, vide, il y a des mots. Les noms censés, des paradoxes sous le silence. S'installe un goût amer entre la mort et l'innocence. Passer la phase, tourner la page. Que le temps passe, combien de temps durera cette rage. Colère, haine et dépit réunis. Mais bon voilà, ça sert à quoi lorsque tout est fini. Peine, peine, peine. De vivre, mon cœur s'est arrêté. Bang, bang, bang. On a tiré, on a visé, on s'est finalement touché. Je me suis bien très mal aidé. J'ai pu donner tout ce que j'avais. Même si tout doit s'arrêter sur ce baiser salé. Je me suis bien très mal aidé. Enterrer ma vie à jamais. C'est nos routes pour se quitter sur ce baiser salé. Baiser salé, je me suis bien très mal aidé. Préserver ma vie à jamais. Si nos routes vont se quitter, sur ce baiser salé. Allez, Rancel, belle journée à vous. Bah, belle fin d'après-midi avec les manifestants hein, dehors. Bah, on essaye de faire avec. Hein, soyez prudents au volant, soyez calme aussi surtout. C'est important le calme. 17h11, 12 minutes même sur la Rancel en direct. Aujourd'hui, on va faire des canulars téléphoniques. On va appeler des gens. Je vais me faire passer pour un chef Oliver ou d'autres choses. Vous allez voir, on va bien se marrer jusqu'à 19h. Ça, c'est sûr. Maria qui arrive, c'est sur la Rancel. L'After Job avec Francky, aujourd'hui de 17h à 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Outside. macella. I would have been my macella. Open up your eyes. My dear, you know you're my lover. Rancel, 17h16 minutes. Je regarde mon direct avec des petits déguisements. Plutôt rigolo. On est en live, hein. Je suis heureux de vous retrouver. Franky dans la radio. On va faire des petits canulars téléphoniques aujourd'hui. On va bien se marrer. Ouais, on va appeler 2-3 personnes. Jusqu'à 19h. On va passer notre temps à se marrer. Ça va être gentil, hein. Ouais, gentil. En direct avec Nicky Yam, carrément. Ça va être une bonne fin d'après-midi. 17h16 minutes sur Aller Rancel. Voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Estamos claros. Estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves. Le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, ba, ba, ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin para, sin para. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros. C'était en 19 minutes avec Nicky Yam. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Pas d'invité aujourd'hui, on a envie de se marier quelques jours avant Noël. Justement, si vous, de l'autre côté de la radio, voulez passer un message, bien vous appelez au 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard. Voilà, si vous voulez passer un joyeux Noël à Pierre, à Paul ou à Jacques, et bien n'hésitez pas à nous appeler en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis, comme c'est Noël, on va faire des petites blagues au téléphone. Tiens, j'ai vu un pavillon là qui est alloué dans le Lot-et-Garonne. 850 €, charge comprise, un pavillon T3. On va l'appeler, je vais le louer. Mais pour tourner un film un peu bizarre. Ouais, on va l'appeler dans moins de 10 minutes, ce pavillon dans le Lot-et-Garonne. Je vais dire que là, l'équipe de tournage arrive vendredi avec les filles. Et on va faire un film un peu hot dans le pavillon. Voilà, on va voir comment ils vont réagir, s'ils répondent. Hein. Et puis on appellera aussi une dame. Tiens, une dame à Orléans, dans les alentours. Je suis chauffeur-livreur aujourd'hui. Je vais lui livrer des choses un peu bizarres. Hein. On va se marrer aujourd'hui. 17h20 minutes. Dans 10 minutes, le premier canular en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel, le meilleur des souvenirs avec les Boys Tang Dong 1984, Can't Take My Eyes Are You. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Bon, on va démarrer le premier canular. J'ai vu un petit pavillon là, T3 meublé, dans le Lot-et-Garonne. Ouais, bien, 850 balles, charge comprise, hein, apparemment c'est pas mal. On va l'appeler en direct pour voir s'il est toujours libre déjà, parce que l'annonce est d'aujourd'hui. Je pense qu'il doit être encore disponible, j'espère. Et nous, on arrive d'Espagne, on va tourner un film un peu hot chez elle, donc chez eux plutôt. On va leur demander si on peut venir à partir de vendredi. Là, hein. Donc c'est parti, c'est numéro de direction le Lot-et-Garonne. En France, c'est du côté de Bordeaux par là. Attention. Allez, bonjour madame. Ah, petit pavillon sympa. Ouais, j'appelle la dame. Allô? Oui, j'appelle le monsieur pour le... Ah, et bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. J'ai vu l'annonce sur le Bon Coin. Location... Attendez monsieur. Attendez, ouais. Là, je prends sur l'autre oreille parce que j'entendais mal. Ah, vous êtes sourd? Ouais, vous montez le l'appareil. Je vous parle de la location que j'ai vue sur le Bon Coin, là, la location de pavillon meublé. Ah oui, le pavillon. Voilà. Oui, le pavillon. Ouais. Alors nous, ouais. Nous, ça nous intéresserait. On est une équipe de tournage. On arrive d'Espagne là. On arrive vendredi. On serait 8-9 à peu près. On voudrait tourner un film, mais c'est tout à fait le genre de pavillon qu'il nous faudrait pour tourner quelques scènes. Attendez. Voilà. Donc, il faut d'abord quand même que je vous mette au courant. Hein. Ouais, allez-y. Bon, là, le seigneurial, ça, ce pavillon, il est dans une résidence privée. Ah oui, non, mais nous, on est des anciens, monsieur. On a le film, ça tourne justement autour des seniors, les 60, 70 ans. On fait un film vendredi, on tourne et on cherchait justement ce type de pavillon, ce type de contexte. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, monsieur. Ah bon, ouais. D'accord. Bon, je viens de le meubler. Là, ouais. j'en sors encore. Il hein. y a beaucoup de chambres. Il y a combien de chambres? T3. Ah non, il n'y a pas beaucoup de chambres. C'est non. un T3, monsieur. Ouais, d'accord. Mais combien de chambres? Il y a deux chambres. D'accord. Il y a deux chambres. C'est super. C'est des grands lits? C'est des grands lits ou des petits? Ah ben écoutez, je peux vous envoyer les photos par WhatsApp. Alors nous on arriverait, je vous paye cash, hein, vendredi soir, je vous paye tout ça cash en liquide. On arriverait sous les alentours de 18h sur les lieux avec l'équipe du tournage, avec des amis. Attendez, l'équipe du tournage, mais je comprends pas là, pourquoi? Bah je vous ai dit, on va faire un film chez vous, on va tourner un film un peu hot, voilà, avec des amis, et on cherchait ce type de pavillon. Non, allô, c'est interdit. On sera discret, il n'y a pas de logo sur les voitures, il n'y a rien, on arrive discrètement. Hein. Ah non, je ne peux pas. Ah non. Ouais. Il faut surtout pas qu'il y ait de. Il n'y aura pas de bruit. Mouvement. Non, il n'y a pas de mouvement, monsieur. C'est une voiture banalisée qui arrivera à les vitres teintées avec les gens dedans et on descend discrètement. Hein. Voilà, on se fait pas remarquer. Attendez. Ouais. Non, moi je fais pas de film. Non, mais c'est simple. Vous, on fait des. Avec des copines, on va faire un film rapide, hein, ça va durer un quart d'heure. Non. Moi je ne fais que louer, monsieur. Moi je vous loue à l'année. Oui, mais je vous loue 850 euros le week-end. On ne loue qu'à l'année avec une agent. Non. Non. Nous les filles, elles arrivent les seins nus. Non, ce n'est pas possible, monsieur. Je suis désolé. Non, mais avoir je loue à l'année, il y a un prix à l'année. Oui, mais voilà. Je vous donne 850 euros en cash et 850 euros en plus. Mais nous, il n'y a rien, les filles. Ils arrivent juste un peu les seins nus. C'est pas compliqué. Oui, mais ça va les énerver un peu, les seniors, là. Non, je parlais pas trop vite. Vous parlez trop vite. Ah oui, c'est normal. Je suis dans mon bureau, là, avec plein de monde. Oui. Oh là là, parlons de calmement, monsieur. Calmement. Oui, je suis calme. Allez-y, monsieur. Je vous écoute. Calme. Oui, calme. Parlons calmement. Oui. Alors, calmement. Ouais. Non. Oui. Bon, voilà, monsieur. Écoutez, je ne. Il faut pas qu'il y ait de bruit. Il n'y aura pas de bruit. Crie pas, les filles. Crie pas. Les gens. Écoutez, monsieur, moi je peux louer que pour 3 personnes, c'est tout. C'est un couple, voilà. C'est oui, tout. Mais nous on fait des. On sort chacun notre tour, on revient à 3 et 3, hein, à chaque fois. Mais je ne tolère pas de film, monsieur. Non, mais vous avez gagné beaucoup d'argent, monsieur, là. Nous on paye triple, hein, je vous paye triple la location. Non, monsieur, passez c'est cash, par les on arrive d'Espagne, on vous file une mallette. Non, mais passez par les seigneuriales. Hein, voilà. Ouais, on va les appeler. Avec alors. Plaisir. Bah, merci, monsieur du renseignement. Merci de votre accueil. Non, je ne loupe pas comme d'accord. ça. Bon, on va appeler. Les gens 70. Voilà, on va appeler. Je vais appeler les filles déjà. Bah. Bon, 19h. Non, je loupe okay. à des gens. Enfin, monsieur, ouais. vous, ne vous énervez pas. Non, mais je ne m'énerve pas. Je serai là 19h. Je loupe à des gens de 70 ans. Bah, voilà, c'est ça, on fait un film de. Mais je ne peux pas faire de film hot. Non, non, mais avec des gens de 70 ans, justement, ça change un peu. Voilà, non, non, pas de souci. D'accord. Merci de la conversation, monsieur. Au revoir monsieur, bonne journée. Oh, ils sont rigolos quand même. Eh, on les a piégés quand même. Hein. Il est sympa le mec, c'est pas énervé, c'est dommage. De quoi c'est bien marré. Hein. En direct sur la croisière 2-3 canulars avant 19h. Bruno Mars, 24 Magic. Magic, on s'est bien marré avec l'ancien là quand même. Hein. C'était rigolo, hein. C'est ce qu'on nous dit sur internet là. Déjà les gens se marrent bien. On va appeler une personne dans moins de 5 minutes là. Je suis chauffeur livreur, j'ai une grosse livraison pour elle. J'espère qu'elle sera chez elle. Du côté de Orme, on va aller à Orléans et voilà, avec Marvin Gaye qui arrive. This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit your show and tell. I love you. Marvin Gaye and get it on. Flanor, suivez-nous aujourd'hui, on va bien se marrer. Les canulars de Noël, ouais, ça va être dans moins de 5 minutes. On va appeler une dame du côté d'Orléans, à Ormes exactement. On a une grosse livraison pour elle. Juste avant, Céline Dion qui arrive, J'irai où tu iras. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux d'école sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes. Tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel. Va pour les taureaux, tes neiges éternelles. J'habite tous tes yeux brillent où ton sang coule des bras de sel. J'irai où tu iras. Mon pays sera toi. J'irai où tu iras. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Petit des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des déserts marmottants. Des caravanes et des voyages comme sur les dépliants. Va pour tes cocotiers, tes rivages. Va pour tes lagons double balançant. J'habite tout l'amour et ta village là où l'on m'attend. Celle avec prière païenne, 17h39 minutes, c'est l'heure du canular. L'after job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ouais, j'ai mis un petit bruit de voiture derrière hein, pour ce que je vais me faire passer pour un chauffeur livreur. Vous voyez, c'est une route bien fréquentée. Je vais appeler une dame qui habite du côté de Ormes. Je vais me faire passer pour le chauffeur livreur. J'ai une livraison, je suis à 3 minutes de chez elle. Une grosse livraison, 40 kilos le colis. On va essayer de délirer un petit peu avec elle. Voilà. J'espère qu'elle va bien le prendre. Hein. On va être sympa avec elle quand même. Allez, c'est parti du côté d'Orléans. On va numéroter. Hop là, sur le standard. On y va. Là, je vais baisser un peu la route. Hein. Voilà, c'est... ça fasse vrai quand même. Ouais, faut se dépêcher parce que moi j'ai plein de trucs à livrer hein. Je suis à la bourre hein. Ouais, j'ai encore 12 colis. Allô, oui, bonjour, j'aurais voulu parler à madame Belgazmi Micheline s'il vous plaît madame. C'est pourquoi? C'est oui, moi oui, je suis chauffeur livreur madame, je suis à 3 minutes de chez vous. Start livraison, on a une livraison 1 rue de la Glacière à Ormes, c'est ça? Ouais, vous habitez là-haut ouais. Ouais, mais j'ai rien commandé. On a un colis, excusez-moi, 35 kilos pour vous. Oh, ça m'étonnerait, hein. Vous devez vous tromper. Non, non, pas du tout, madame, c'est pour vous, 35 kilos. Madame, vous êtes bien madame Gaspi, ouais. Ouais, c'est pas une bêtise par hasard? Ah non, pas du tout, madame, c'est réel. Moi, je suis chauffeur livreur, je dois livrer avant 18h en plus chez vous. Je serai là dans 3 minutes. Ah oui, mais moi, j'ai rien commandé, j'ai rien. Ouais, je serai là dans 3 minutes 30, je suis au bar, là, j'arrive. Je finis mon café, j'arrive. Je suis tranquille, hein. D'accord. Voilà. Alors, comment? Alors, je regarde, vous voulez l'expéditeur? Attendez, je regarde l'expéditeur, je reprends le colis. Il est lourd, hein, 30 kilos quand même. Sexy Toys à Paris, je sais pas ce que c'est, ce que vous voulez. Ouais, c'est 30, ça, ouais. 30 kilos. On sera là, je serai là, je suis avec un collègue à moi dans 3 minutes 30, on finit notre café, on arrive chez vous. C'est 155 euros en espèces, il y a marqué. Hein. Ouais. Alors, c'est pas payé. D'accord. On arrive dans 3 minutes, c'est bon, vous nous accueillez? On arrive, madame. C'est pas la radio arc-en-ciel, par hasard? Ah, pas du tout, madame. C'est pas la radio arc-en-ciel, madame. C'est pas du tout. On n'a pas le temps de faire de la radio, nous. Hein. Nous, on fait des livraisons. C'est déjà du boulot en ce moment. C'est le pic de Noël. Alors, 17... Ah, bah oui, mais moi, j'ai pas commandé ça. Donc, ouais. J'ai besoin de rien. Eh ben, merci. J'arrive dans 3 minutes, hein, moi. Je le laisse devant chez vous. Hein. Vous débrouillez après. Hein. Ah, ouais, d'accord. Faites ce que vous voulez, madame. Hein. Faites ce que vous voulez. On arrive, madame. À tout de suite. Elle était pas drôle, elle, hein. Elle est pas tombée dans le panneau. C'est bizarre, ça, c'est bizarre. 17h42 minutes. On va rappeler des personnes encore, les canulars, jusqu'à 19h. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Así que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, te sueño y que te quiero tanto. En una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. La bicicletta, ça a pas marché avec Micheline qu'on a appelé 17h35. Eh ouais, ouais, on voulait lui livrer un gros colis, hein, tant pis pour elle. Elle aura pas de cadeau pour Noël, Micheline. C'est la vie, ça arrive, c'est le collectif. Et puis nouveau Calula dans moins de 5 minutes en direct sur Radio Arc-en-Ciel jusqu'à 19h. Ça, c'est la famille du collectif, hein, les bons souvenirs, la prise de Khaled, c'est la vie dans moins de 3 minutes. Nouveau Calunard, eh ouais, spécial Noël. Et puis vous voulez passer un message en direct, eh bien 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Radio Concelle en direct, 17h50, minute loquée, passo, passo. On va faire une nouvelle victime dans quelques minutes, chauffeur Livor du côté de Bordeaux. Le lieu dit R.E.R.A.S. Alors je sais pas où c'est, on va l'appeler, il s'appelle Durand Marcel. Ah ouais, il va souffrir. Se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Là-dessus, on a fait la fête. Hein. L'After Job le mardi aujourd'hui, spécial canular. Pardon. Vous pouvez nous appeler aussi hein, si vous avez un message de Noël. 02 38 43 48 00. C'est parti pour un nouveau canular direction l'un. L'After Job avec Francky le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ouais, on va appeler un 04 ouais, en direct sur Arc-en-Ciel. Je suis toujours chauffeur livreur, hein, Micheline. Bon, ça, Micheline, elle a pas trop tombé dans le panneau. Hein. On va essayer de tomber dans le panneau avec ce monsieur. Il s'appelle Durand Marcel. Alors, ça sonne normalement, ça va sonner. En 3 minutes, c'est parti. 04, je numérote, hein, c'est pas facile en même temps. Voilà, c'est parti. Allez, ça sonne. Ah, ça sonne. Allô, monsieur, allô. Bon, 25 kilos hein, quand même. Hein. Ça sonne. Allô. Allô, oui, bonjour, j'aurais voulu parler à Durand Marcel, s'il vous plaît, madame. Chauffeur-livreur, start livraison. Allô. Vous m'entendez? Allô, oui. Oui, bonjour madame Durand, c'est Start Livraison, on a un colis pour vous là, pour 18h prévu aujourd'hui, au lieu dit Eriade, c'est ça madame, si je me trompe pas sur l'adresse, je regarde parce que c'est mal écrit. Oui, on habite à Eriade, on attend pas de colis. Bah j'ai un colis de 25 kilos là qui vient, vous voulez que je regarde l'expéditeur? Attendez, je regarde d'où ça vient. Ah hein. Mais c'est mon fils, oui, je comprends, oui. Ah c'est votre fils qui a commandé? Oui, c'est mon fils qui est agriculteur, oui. Ah d'accord. Bah c'est des slips apparemment, ça vient de Slips de France. Il y en a pour 25 kilos, hein. Donc il y en a pour 255 euros le colis. C'est vous qui nous réglez. 255 kilos de quoi? Non, 255 euros, madame. Là, il y a 25 kilos de slips. Des slips de France, la marque. C'est ça, je regarde l'expéditeur. Hein. Slips de France, il a commandé. Il y a pour des slips pour 255 euros. Ah bah écoutez, moi, c'est des slips de marque qu'il a pris. Hein. Jaune devant, marronnaille, il y a marqué. Hein. Donc voilà, je vous les lis dans 3 minutes, madame. Je suis chez vous, là. On prend les chèques et l'espèce. 255 euros en espèces ou en chèque comme vous voulez, madame. Il faut nous régler. Non, bah moi j'ai pas le temps. Mais vous verrez avec mon fils. Bah moi, il les a fait livrer chez vous, madame. Je prends un café en même temps. Donc le GPS il me dit dans 3 minutes 30 je serai en bas de chez vous madame. Au lieu d'y... Vous débrouillez-vous. Voilà. Donc je vous le mets dans le je vous le mets dans la cour madame le colis hein. Je vous le jette dans la cour et vous me faites un chèque. Voilà, bah, elle veut pas te faire de chèque. Bah tant pis pour elle. Tant pis, elle veut pas me faire de chèque, c'est pas grave. J'en ai d'autres qui vont me faire des chèques. On est en direct à la radio. 17h57 minutes. Il est fou ce chauffeur livreur hein. Ouais, j'ai repéré une pelleteuse là. Ouais, c'est pas mal pour faire des casses. Ça. On en parle dans 3 minutes. Toi dans la gaieté, c'est qu'à peine d'or qui fait t'implorer. Quand elle y fait t'oublier tout sa grain, allô bouge les reins, c'est gars là pour faire ta passe toute la fin. Mettre la foi dans tous les gays, fini danser, pas besoin de tomber. Ici c'est grâce à nous dansons frais, de Paris à l'île aux Cés. Le Sega, à la villa, bouge ton bassin, tu mets pas, à la villa, ça s'appelle le Sega. Santé danser pour nous amuser. C'est ça. Mettre la joie dans tous les gays. Hey, hey. Fini danser, pas besoin de tomber. C'est comme ça qu'on fait. Ici c'est grâce à nous dansons frais. C'est ça, c'est ça. De Paris à l'île aux Cés. Spécial fête de Noël, spécial canular. Aujourd'hui, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi à 18h. Demain, la météo, le ciel est mitigé entre soleil, pluie et nuages. Malheureusement, les températures ne dépasseront pas les 12 degrés. Voilà, du son avec Ed Sheeran. Et puis, spécial canular jusqu'à 19h. Place to find the lovers at the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. And we come over and we start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now I'll take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love is handy for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy. Come on now.

Alors on se le 18h08 avec Edouard Maillard, avec Stereo Love, un petit tour du côté de, du sud de la France où il y a une pelleteuse hydraulique à vendre. Une pelleteuse, moi j'en ai besoin une, mais pour faire un casse, bah ouais, on va se renseigner tranquille. Hein. J'espère qu'il n'y a pas trop s'énervé le mec. Allez, c'est en direct, dans 3 minutes même pas, on y va. C'est parti la famille. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'essentiel, c'est de faire marrer les gens. Ça, c'est important. Allez, c'est parti. Une pelleteuse hydraulique à vendre. Allô? Ça sonne? Non, ça sonne pas. Bon, on va essayer dans 3 minutes, juste avant un titre, Elisio qui arrive. Et puis on va rappeler la pelleteuse. Obrigado, 18h10 sur Radio Arc-en-Ciel, la pelleteuse, on l'appelle tout de suite. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ouais, j'ai vu une pelleteuse hydraulique là, vous savez, pour faire les trous dans les chantiers, hein, j'y connais rien moi. Je vais voir, hein, je vais appeler le gars là, voir s'il la vend toujours. 70 000 euros quand même, hein. Bon, je le paierai plus tard. Nous, c'est un peu spécial, hein, c'est pour faire un casse vendredi soir. On va voir si on peut venir la chercher avec un plateau, et puis bah si on peut la ramener, mais si on peut laisser les papiers à son nom, etc. Enfin, on va jouer avec ça, on va essayer de se marrer un petit peu en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Allez, c'est parti, on numérote. Allez, apparemment, il est en ligne. 77, ouais les gars, on la prend ou pas? On va voir. 77 000 euros, je crois, quand même. Ouais. On fait la route demain. Ça sonne, hein. Ça sonne toujours. Ça ne répond pas. Quatrième sonnerie, c'est la valise RTL. Comme à l'époque. Messagerie Orange, bonjour. Ah, bah la personne qu'on veut, elle n'est pas encore là. Bah c'est pas grave, on va la rappeler dans 3 minutes, en direct. Allez, c'est parti. ¿Por qué quieres engañarte si tú bien sabes que ahí no hay amor. Es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó. Dime si cuando seul règle de voir les numéros de téléphone. Et on va à Berg, rappeler du film Les Ch'tis, et ben on va dans le nord de la France, direction le, ben une livraison hein, avant de rappeler la pelleteuse. Allez, c'est parti dans le nord de la France. L'After Les Ch'tis Job avec Francky. C'est sympa, tu t'appelles deux. Ouais. De 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ouais, il s'appelle Neu Christian, on va dans le bah, à Berg, dans le nord de la France. On va essayer de l'avoir, ouais. Allez. On a la bourre, hein, 18h16, là j'ai la livraison, hein. Ouais. Ouais, allô ? Je sais pas comment on a l'accent du Nord, je sais pas comment on fait. Mais... Ah, les gens du Nord. Oh là. Allô ? Allô ? Oui. Allô, oui ? Oui, bonjour, j'aurais voulu parler à Neu Christian, s'il vous plaît. Allô ? Comment ? Oui, Neu Christian, c'est la livraison, start livraison, monsieur Neu Christian, avenue de la Liberté. Attendez, je vais aller sur le bon de livraison, ouais, c'est ça. Je comprends rien du tout. Neu... J'entends rien, là. J'aurais voulu parler à Neu Christian, s'il vous plaît, monsieur. Allô ? Bon, je vous écoute. Oui, je voulais parler à Neu Christian, s'il vous plaît, avenue de la Liberté. À Berg. Et moi-même. Voilà, j'ai une livraison, monsieur, sur pour vous, chez vous, dans 10 minutes. Vous êtes bien avenue de la Liberté, que je me trompe pas, je suis sur la route, là. Exactement. Voilà, c'est la société Start Livraison. On a un colis de 37 kilos pour vous, apparemment. C'est un Père Noël démontable en plastique et un sapin de Noël, monsieur, que vous avez commandé sur magicsystem.com. Alors, je peux commander ça, moi. Voilà, alors, je sais pas, moi, je dois vous le livrer, là, pour 18h25. Ah, non, moi, je vous attends. Il y en a pour 229 euros, on prend les chèques, ah, en espèces. Non, moi, j'en ai pas besoin, moi, j'ai rien commandé, moi. Hein. Bah, c'est bien Neu Christian, c'est pas ça? Oui, mais... Tête de nœud, j'ai rien commandé, monsieur. D'accord, bah, Neu Christian, moi, je vous le livre. À 18h25, vous en faites ce que vous voulez, c'est un Père... Ah, moi, je vous ouvre pas la porte. Ah bah moi je vous laisse dans le jardin, c'est un Père Noël en plastique, il fait 1m85. Ah bah, moi vous faites qu'est-ce que vous voulez sur votre truc. Ah bah non, bah moi je vous mets... Rien et j'ai rien commandé. Ah bah moi il faut payer monsieur à la police sinon monsieur, moi je vais au commissariat direct. Hein. Ah bah allez à la police. Voilà. Moi il y a un Père Noël en... Il y a un Père Noël en plastique et un sapin de Noël. 2m15 il fait. C'est pas moi, j'ai rien commandé. Ah bah moi. Écoutez, c'est bien... Je mets tout dans un jardin, j'habite dans un immeuble. Ouais, bah moi je vous le livre au pied de l'immeuble, vous descendez le chercher, monsieur. Allez vous faire vite. Non, non, monsieur, je vous livre ça dans 10 minutes. Moi je suis en bas de chez vous, vous débrouillez, hein, j'appelle la police. Hein, attention, ah, il est gentil lui. Et on se marre bien. Non, sans déconner, on se marre vraiment bien. Il était sympa lui. Allez vous faire foutre. Il m'a dit, bah non, on va pas se faire foutre. Ouais, franchement, on se marre bien avant 19h. Allez, on va appeler la pelleteuse. En direct sur la conciel, le canular de Noël. Ça fait plaisir de vous retrouver. Francky dans la radio, 18h18. Angelo avec Sweet Dreams Eurythmics sur Radar Franciel, 18h20, une spéciale canular aujourd'hui, c'est reparti. Eh ouais, la déchaîner le Francky, hein. Avec Francky, ouais. Le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ah, j'arrive pas à voir la pelleteuse, c'est pas grave, on va direction la Vendée, une belle maison en Vendée, une maison de campagne, une maison de repos, on est bien, et puis on va essayer de la louer pour notre fameux film. Eh ouais, c'est parti, direction la Vendée. C'est joli la Vendée, hein. Et encore que j'y ai pas été, là. Hein, Saint-Jean-de-Mont, je crois que c'est ça la Vendée, hein. Saint-Jean-de-Mont, ouais. Belle maison, hein. Oui, bon, charmante maison. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Oui. Je vous appelle pour votre location de charmante maison du côté de la Vendée, c'est ça? Ah, oui, oui, oui. Voilà. Alors, c'est vous qui la louez, excusez-moi, hein, on arrive d'Espagne. Oui, oui, c'est moi. Ouais, on est sur la route. Oui, c'est moi qui la loue. Ouais, vous la louez, ce week-end, on pourrait, vous la louer, éventuellement, voilà. Pour vendredi, alors, samedi, dimanche. Je réfléchis à Condé, nous sommes quelle date, parce qu'elle est louée. Là, on est le 17, aujourd'hui, donc c'est le week-end du... Bah, nous, on voudrait vendredi, là, on arrive d'Espagne, on est sur la route, on sera là dans 2-3 heures. en Vendée, et puis nous on en a besoin ce week-end pour 3-4 jours quoi, voilà, c'est tout hein. Après d'accord. Alors je loue pas que la petite maison là, elle va être quand meublée, par contre j'ai des chambres d'hôtes. Ouais, non, mais nous, on veut la maison, parce que, en fait, on vient tourner un film, là, on arrive d'Espagne, on est une dizaine, on tourne un film, l'équipe de tournage arrive vendredi soir, nous, on va tourner, samedi, à peu près, on sera 5-6 figurants, et, on en avait besoin ce week-end, quoi, les chambres d'hôtes, ça nous intéresse pas, nous, on fait une maison, une belle maison comme ça de campagne, on avait les photos, c'est sympa pour faire des belles photos, des belles prises de vue. Ouais. Oui. Par contre, dans la petite maison, vous pouvez louer qu'à 4 grand maximum, en fait. Ouais, mais on va se relayer, hein. 4 qui vont tourner, 4 qui reviennent, 4 qui repartent, vous voyez ce que je veux dire. Comme ça, on se rhabille à chaque fois et on revient et on tourne en même temps en direct. Après, nous, on vous paye le cachet cash, hein, direct, là, quand on arrive, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Hein. Ouais. D'accord, mais... Ça va, il n'y a pas trop de voisins autour, non? C'est calme? Non, on est en campagne. Hein, ouais, parce que nous, faut pas trop de voisins, parce que y a des filles qui vont arriver un peu dénudées, etc. Ça va durer 2 jours, hein, vous inquiétez pas, hein, voilà. 2 jours de tournage à fond la forme, on sera par équipe de 4, on va tourner, hein, 4 qui viennent, 4 qui se relèvent, vous voyez ce que je veux dire. Et après, on vous rend la maison dimanche impeccable, hein, on nettoie et tout, hein, y a pas de problème, madame, hein, on vous paiera s'il faut le pressing. Oui, hein. D'accord, mais... Ouais. Oui, je suis pas habitué. Attends, qu'est-ce qu'il me dit, Léon? Pour les filles? Ouais, attends, je vais demander. Il y a un jacuzzi pour les filles? Non, il n'y a pas de jacuzzi. Est-ce qu'elle demande s'il y a un jacuzzi? Non. Ah, non, c'est juste une maison, en fait. Il y a une douche, Oui, oui. Bah, bien sûr qu'il y a des douches. Il y a une douche, une baignoire. Non, vous avez une douche. Ah, une seule douche. Avec une douche. Bon, ça va aller, ouais. Les filles, elles peuvent se doucher là. Ouais, c'est bon. Elle est grande parce que pour les plans, je calcule le cadrage, etc. Je vois avec les tourneurs qui arriveront vendredi soir pour prendre les plans de cadrage. Vous voyez, avec la lumière et tout. Voir si c'est pas trop explosé. Et vous voulez faire quoi comme Ah non, on fait des films on tourne des films en fait hot, voilà, c'est pour un tournage de 2 jours, hein. Après on vous la rend impeccable, hein, vous inquiétez pas, on passe un coup de... Oui, mais c'est pour faire quoi dedans? Ah bah c'est un film hot, vous voyez, avec des dames, des messieurs, voilà. Après une fois que le film est tourné, vous inquiétez pas, on fait pas des gros plans de la maison, c'est pour utiliser l'environnement en fait, hein. C'est sympathique, on a vu là. Oui, mais non, mais on a regardé sur Google Maps, c'est pas mal, hein, autour, hein. On va être sympa parce que moi j'ai un copain, il va courir en slip dans le pré derrière là, et on va le filmer de loin. Ça m'intéresse pas. Bah attendez, non, on vous paye 10 000 euros, moi je paye 10 000 euros le week-end. Hein. Ouais. 10 000 euros. Non, mais ça m'intéresse pas du tout. Mais allez, je vous souhaite une bonne soirée. Mais mon pote, il peut pas courir dans le pré tout nu? Ah, bah comment on va faire? Allô? Allez, au revoir. On peut pas? Oh, quel dommage. Nous, on voulait tourner en direct. Oh, c'était. Elle était sympa, la dame. Elle était vraiment sympa. Tous ces moments. Juan Mai, on s'en fera juste avant 19h. On a bien rigolé quand même, là. En direct, voici Fabian, Juan Mai. Un peu de douceur et de tendresse de la Kiz. Tous ces moments qu'on a partagés, jamais je n'oublierai ni renierai le passé. Remonter le temps quand on s'est aimé n'aurait pas de sens et n'aurait rien pu changer. Les souvenirs qui font renaître des sentiments. À présent, oh eh oh, olvídame mi amor, oh eh oh, ya c'est ça, no el dolor, oh eh oh, je te le dis encore que le passé est si fort que tous ces moments qu'on a partagés, jamais je n'oublie. Je veux simplement te raisonner. Ça sert à rien de s'imaginer tous les deux et faire comme si on s'aimait. À quoi bon ressasser le passé, recommencer vers les mêmes erreurs, alors qu'il reste encore des rancœurs. C'est la triste réalité. Oh eh oh, olvídame mi amor, oh eh oh, ya c'est ça, no el dolor, oh eh oh, je te le dis encore que le passé est si fort que tous ces moments qu'on a partagés. Rossel, Juan May, avec Fabiane, tous ces moments, eh ouais, des moments à l'ancienne qui arrivent. Et puis on va appeler une maison de retraite, tiens. Ouais, on va rigoler un petit peu. Oh, on a envie de se marrer, c'est bon enfant. C'est Noël, joyeux Noël à tous, 18h28. Yeah, you wanna know? Act just like you know. Whoa, whoa, you just ought to know. Yeah, when you're feeling down and low and you need a place to go. Just pick up your shoes and go to the hottest place you know. Souvenir à l'ancienne avec Fatlaris Band 84, I Like You Know. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Ah, je vais être gentil aujourd'hui, on va appeler une petite maison de retraite, tiens, mais bon, on va leur livrer des disques de Tino Rossi. Bah ouais, ça peut être sympa quand même, hein, 200 maxi. De Tino Rossi pour la maison de retraite, c'est parti, on les appelle. Allez, j'espère qu'ils vont répondre. Allez, c'est parti. Ton petit soulier. Ça sonne? Normalement, ça sonne. Voilà. Ah, ça sonne plus. Ça a sonné. On va réessayer. On va bien te couvrir. Ça sonne. Bonjour. Ça sonne, 18h32, c'est une maison de retraite. Il mange, on sent la soupe. On m'a dit la livraison avant 19h30, hein. Faut se dépêcher, hein. Ça reste une heure sur la route. Oh, ça répond pas. Bon. Bien sorti, avec Otenir Lorine, bonjour. Oui, bonjour madame, start livraison. J'ai une livraison pour la maison de retraite avant 19h pour madame Durand. Voilà. J'ai un carton de 25 kilos, c'est des titres de Tino Rossi, il faut que je les livre avant 19h. Vous êtes quelle société? société. Start livraison, madame. On sera là dans 20 minutes chez vous. Bah, il y aura pas de soucis. Il y aura du monde. C'est pour moi. Oui. Mais c'est pour une pensionnaire chez vous. Elle nous a commandé 200 titres de Tino Rossi. Oui, c'est ça. Voilà, on va lui livrer avant 19h. C'est... Ouais. On m'a demandé de les laisser à l'accueil. Hein. Oui, à l'accueil. Ouais, c'est un carton, il fait 25 kilos à peu près. C'est... De quoi exactement? Comment? C'est une livraison de quoi exactement? Bah, si je vous le dis, c'est des singles pour Noël, pour Noël. C'est Petit Papa Noël de Tino Rossi. C'est un carton qui fait à peine 20 kilos. C'est pour vos pensionnaires. On m'a demandé de les livrer. C'est un cadeau, apparemment. Des singles pour Noël? Oui, de Tino Rossi. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous voyez ce que c'est, Tino Rossi? Petit Papa Noël. Petit. Oui, voilà. Oui. Il descendra du ciel. Voilà. Avec tes jouets par milliers. Bah, c'est lui. Voilà. Il est décédé. Qui est-ce qui vous a passé cette commande? Ah, bah, c'est Start Music, apparemment. Je sais pas. C'est un cadeau hein, pour les pensionnaires de la maison de retraite, voilà. Voilà ouais. Bon, bah, il y aura quelqu'un pour vous. Ouais, ça sera qui à l'accueil que je note sur le bon de livraison. Vous passez vers quelle heure? Là, 19h55, on est là, je vais dans le GPS. Attendez, ouais, 19h55, il me dit. Bon, je vais voir ça avec ouais, la personne ouais. responsable. Par contre, c'est 150 €. Qui c'est qui me règle? Parce que moi, je veux bien vous le laisser, mais ouais, on peut s'arranger. Bon, je vous passe la personne. Ouais, c'est moi le responsable, parce que moi, je vais pas repartir comme ça, hein, les mains vides, hein, c'est pas possible. Hein oui, oui, bonjour madame, c'est Start Livraison. Il oui. y a une maison 10 qui vous a fait un cadeau, enfin je sais pas si c'est un cadeau empoisonné, parce qu'il y a une livraison pour... Alors, je t'entends pas beaucoup. Ouais, c'est une livraison de disques que je dois vous faire, là, de monsieur Tino Rossi. Donc c'est un éditeur musical qui vous les livre. Alors c'est peut-être un cadeau empoisonné, parce qu'il y en a quand même pour 159 €, je crois, je regarde sur le bon de livraison. Alors monsieur, vous parlez trop vite, je ouais. ne comprends rien. Alors, j'ai des disques à vous livrer pour la maison de retraite, là, je suis là D'accord. à 18h55 à peu près, je suis sur la route, là. Alors, je me suis on arrêté. Pas passé de commande de disques. Ah bah apparemment c'est un pensionnaire, donc c'est une maison de disques qui est ravi, mais le souci qu'il y a, c'est que il y en a pour 159 €. Alors je sais pas comment je fais. Est-ce qu'on... quel nom Je regarde. Il n'y a pas marqué de nom. Il y a marqué juste le maison de retraite. Laissez à l'accueil. Moi, je vais pas pouvoir. Écoutez, réceptionner mais... de colis si j'ai pas de nom, monsieur. Bah, ils n'ont pas mis de nom sur le bon de livraison. Il y a marqué la maison de retraite, tout ce qui a marqué. Bah, il va falloir renvoyer le colis de là où il vient. Bah, moi, je ne veux pas le renvoyer, c'est Noël. Attendez, c'est un cadeau. Peut-être que votre pensionnaire sera déçu. À ce moment-là, vous avancez, bah, oui, vous avancez l'argent, puis avant remboursera, non, vous allez vous renseigner. Comment Il faudra. La personne qui a passé la commande, dans ces cas-là, il faudra lui renvoyer un message pour lui indiquer que la commande a été refusée, ouais. Puisqu'on n'a pas de nom. On est à moins de 10 jours de Noël, ça ne sera pas livré pour Noël après, hein, à mon avis. Bah oui, mais ouais. Si vous avez un nom de bah, la personne. Je sais pas, il y a marqué. Non, il n'y a pas de nom, en fait, sur le bon. Bah écoutez, ouais. Dans ces cas-là, je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Bah écoutez, tant pis pour Tino Rossi, hein. Comment on fait? Voilà. Tant pis. Du ciel avec. T'es joué par milliers. Oh, c'est dommage quand même. Moi, je voulais faire plaisir aux anciens aujourd'hui. Voilà, bonne fin de soirée avec du son qui arrive. Et George Michael qui nous a quitté. Ouais, un jour de Noël, malheureusement. C'est One More Try. Quel super mec, George Michael, il nous a quitté en 2016. C'était un 25 décembre avec un chien dans la gorge, Funky. One more try. Ah, là, forcément, ça me rappelle des bons souvenirs à 18h42 minutes. On s'est bien marré aujourd'hui avec le canular. Hein. On a fait ça vite fait, hein. Mais bon, on a bien rigolé quand même. On a bien rigolé. Et c'est Noël, c'est vrai que c'est Noël. Dans quelques jours, on va fêter Noël avec Mariah Carey qui arrive. All I want for Christmas is you. Et c'est sur Radio Arc-en-Ciel. C'est pour Fernanda, tiens, qui nous écoute. Thank you.

18h51 minutes sur Radio Arc-en-Ciel avec la belle Kylie Minogue, Better Than Double. You know, heureux d'être avec vous, c'est Francky. La semaine prochaine, lundi, il sera dans les studios de la radio, ça c'est énorme. Olivier Geffroy, chef de la sécurité en Orléans. Et là, c'est du très très lourd encore. Ouais, ouais, en direct. Alex Ferrari qui arrive, en direct. Bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere. É Alex Ferrari fazendo bara bere. Então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Isso é Alex Ferrari. Allez, on commence en direct. Et puis, vous savez qu'en ce moment, il y a pas mal de manifs. Et ben, on est avec le représentant de Sudrail, qui est avec nous normalement au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Comment tu t'appelles? On peut balancer des noms. Pierre Prodame. Ouais, comment il va, Pierre? Enfin, comment il va? Écoutez, après cette belle manif aujourd'hui, bah, ça va, forcément. Ouais. Quelles sont les choses concrètes aujourd'hui qu'il y a eu, alors, pour la manif? Il y avait du monde à Orléans. Là, on est à Orléans, hein, en direct, hein. Oui, bah tout à fait, oui, il y a eu du monde. Bon, écoutez, pour ce qui s'agit des cheminots, on a été très nombreux, puisqu'on a été 170 à l'Assemblée Générale et plus de 300 à la manif. Mmh. Donc oui, on reste très mobilisés, très déterminés à faire reculer le gouvernement sur son attaque. D'accord. Là, en direct, aujourd'hui, alors concrètement, vous attendez quoi, les cheminots, à 18h56 minutes sur Arc-en-Ciel? Ah bah, ce qu'on attend, nous, c'est clair, on attend le retrait de cette nouvelle attaque. Si vous voulez, on a un gouvernement qui enchaîne les attaques. Il y a eu l'attaque sur le code du travail, sur le transport. C'est continuel. Et ben aujourd'hui, on dit ça suffit. Et encore une fois, on est tous concernés. C'est pas que les cheminots. C'est pas une attaque. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est pas visé. C'est une généralité. Non, hein. Ouais. Bien sûr. Donc nous, on a. Enfin, je peux pas. Je peux pas présager de la suite parce que c'est les AG bien entendu qui décident de la suite du mouvement. Ouais. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une détermination à rien lâcher. D'accord. Ça fait trop d'années qu'on subit des coups. Il y a un moment donné, ça suffit, quoi. Donc le mot d'ordre, c'est ne rien lâcher. On continue, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Il y a quelque chose de prévu encore? Il y en a d'autres de prévus? Parce que là, c'était aujourd'hui, c'était un peu bloqué quand même. On a vu, hein, j'étais à Orléans tout à l'heure, c'était pas mal saturé, on va dire. Il y avait quand même pas mal de monde. D'autres manifs de prévus? Ah bah écoutez, j'ai pas pour l'instant d'infos dans ce sens-là. Il y a une intersyndicale qui se voit je crois demain ou ce soir, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que oui, il y aura d'autres appels, alors quand je peux pas vous le dire, mais la bagarre elle s'arrête pas là, elle va pas s'arrêter à Noël. non plus. Enfin, je veux dire encore une fois, nous, ce qu'on veut, ou si elle s'arrêtera, c'est que le gouvernement recule. Voilà, à accepter. On le souhaite hein, aussi, on le bien évidemment. Hein, bien on sûr, le souhaite aussi. Ouais. Parce que encore une fois, c'est plaisant pour personne d'avoir les salaires amputés. C'est plaisant pour personne d'avoir un Noël difficile. Mais encore une fois, là, c'est bien. Donc, ta vie, c'est bien plus gros. On a bien plus à perdre que simplement un Noël ou un salaire. C'est bien plus gros que ça. Donc, ouais. Donc évidemment, on en est conscient de ça et on veut continuer la bagarre. Eh bien, continuez la bagarre alors. On vous joint. On vous joint plein de bonheur et plein de soutien aussi. Voilà. En direct sur Radar Spécial. Merci de m'avoir consacré 3 minutes de ton temps hein, après cette merci. Manif. Et puis passe une bonne soirée, mon ami. Merci. Au revoir. Ouais, on dirait que sur l'arc-en-ciel, hein, on voulait un peu prendre la température dans les rues d'Orléans, justement sur les manifs, et bien voilà, Sudrail a communiqué avec nous aujourd'hui pendant 3 minutes. Dans quelques minutes, bah ça y est, c'est parti, hein, électrochoc qui va démarrer, du son rock, juste avant des souvenirs à l'ancienne, avant 19h, dans quelques minutes, bah, même avant 19h, ouais. Voici l'alliance ethnique. C'était bien temps, c'est un élément déterminant. Mais non. Où est-vous pensez, où est-vous savez, mais peu importe, vous demeurez dans cet état où l'esthétique demeure à vos portes. Stop, je vise le naturel, détruis l'artificiel. Ce point de vue reste personnel. En d'autres termes, celui de qu'un point met le ciel. Dire que certains ignorent les bienfaits de leur propre personnalité mieux vaut rire. La spontanéité reste mon propre point de mire. Pire. Ce dont la langue, dans notre activité, que de s'agiter dans le vent. Non, si, oh, oui, c'est la même gelée. Non, même pas. Simple funky, simple funky, simple funky, let's be funky. Simple funky, simple funky, let's be funky. Simple funky, simple funky, simple funky, let's be funky. Simple funky, simple funky, let's be funky. Et je chute de bien haut en apprenant que sur nous circulent des propos compromettants, à partir du moment où, personnellement, je m'intéresse aux ragots d'enfants. Mis à part que dans ce cas, les enfants paraissent bien grands. Pour ce genre, le mot est glorifiant. Chant, ils le sont la plupart du temps. Intelligents, ils le seront quand ils cesseront. Leur tromperie attire la rigo. Go, go, eh, go, oh, go, zéro. Tous ces gigolos, zigoto, rigolos, n'a mot zéro. Ne mérite aucune estime, ils ne méritent que la peine du poteau. Et oh, la dose est-elle au niveau où doublons la dose, c'est chaud. Le cerveau, sa vibre de spirit, oh. Les codes vocales au déniveau, le flow, les mots se mêlent en VO. Ok, voilà le groupe en démo. Simple funky, simple funky. Ah, quel souvenir, hein, l'alliance ethnique avec Simple et Funky Music. Heureux d'être avec vous, c'est Funky dans la radio. Rendez-vous lundi prochain. Olivier Geffroy sera dans les studios de la radio en live. Et tout de suite, c'est Electric Shock qui commence. Et c'est avec Christophe, branchez la guitare, comme dirait le brio. C'est parti!